Là, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Monde. Vous êtes dans la voie des guerriers. Frédéric Lhomme Nouvelle-Garcia est avec moi comme d'habitude et on reçoit un ancien boxeur professionnel ici au Québec qui a connu du succès, un ancien kickboxer également, puis je pense également un gars de karaté, c'est Alain Bonamy. Bonjour Monsieur Bonamy. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, puis vous aussi évidemment. Oui, ça va bien, oui. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé après vous depuis votre fin de carrière. Je pense que ça s'est terminé en 2004. Malheureusement, les blessures vous ont rattrapé, surtout, je pense, à l'œil, évidemment, un élément indispensable pour un boxeur. Qu'est-ce qui se passe avec vous depuis votre retraite? Oui, depuis ma retraite, oui, depuis 2004, qui était mon dernier, j'ai ouvert un gros studio où on a, j'enseigne le karaté, la boxe, le kickboxing, et il y a des professeurs qui travaillent pour moi qui enseignent le yoga, le pilates, et on a même des massages. Donc, je suis toujours à m'entraîner, ce jour en semaine, à entraîner des gens, et puis c'est ma drogue, c'est ma passion. Oui, depuis 2004, j'ai arrêté, mais en toute façon, en janvier 2004, j'avais dit à mon entraîneur que j'allais avoir 40 ans à l'été 2004, donc je lui avais dit... c'est ma dernière année, c'est sûr, parce qu'après 40 ans, je ne vais pas être considéré comme quelqu'un qui s'accroche trop longtemps, malgré que ça va toujours me manquer, ça me manque énormément. Je comprends ceux qui reviennent, je les comprends, parce que j'ai toujours cette petite guerre-là entre ma tête et mon cœur. J'aimerais bien essayer de retourner, mais je me dis non, faut passer à autre chose. Et puis oui, en 2004, la dernière année, il y a eu beaucoup de blessures, dont l'œil, une 7e opération à l'œil. Et puis aussi, j'ai eu une fracture, un coup de coude sur l'oreille, une fracture de l'os qu'on appelle l'étrier, qui est en charge de l'équilibre à mon dernier combat. Donc, c'était assez pénible pour cette soirée-là de combat parce que le plancher, sous moi, était. Je n'avais aucun équilibre. Donc, c'était dur de les coups. C'était dur de pouvoir trouver la cible pour moi. Mais maintenant, est-ce que votre santé, tout va bien ou tous ces combats-là de boxe professionnelle, de kickboxing également, ça a porté des conséquences qui. Disons, le matin, lorsque vous vous réveillez, est-ce que vous avez des douleurs un peu partout ou ça va bien puis vous êtes bien? Il y a quelques douleurs qui sont physiques. Il n'y a aucun problème mental ou de réaction. Je sais que des fois, les soirs là-bas, on dit les coups sur la tête, ça. Non, ça va très, très bien. J'ai quelques petites des fractures au nez. J'ai mon œil droit que j'ai perdu 75% de ma vision. Mon œil gauche compense beaucoup. Sauf que oui, il y a eu des dommages, mais que moi je suis content, je suis heureux parce que c'est des dommages physiques et non pas des dommages mentaux, des dommages importants pour continuer à vivre. Est-ce qu'il y a des combats que vous avez faits que vous regrettez d'avoir fait, je sais pas, peut-être en fin de carrière ou peut-être avant? Est-ce que vous étiez toujours prêt à physiquement et mentalement dans chacun de vos combats? Non, je vais être franc avec vous autres, j'ai été stupide de certaines occasions, j'ai été stupide. On écoute souvent son ego, on est très fier, qu'on est un compétiteur. Il y a plusieurs combats que j'ai fait que j'aurais pas dû faire. Exemple, je me suis battu à Jonquière contre Stéphane Ouellet 3 semaines après la mort de mon frère. On avait juste 13 mois de différence et puis on a grandi ensemble, une année sur deux, on jouait dans la même équipe d'hockey, on jouait au combat ensemble. Je m'étais dit dans ma tête, OK, je vais aller me débarrasser de ma job que j'ai à faire, là, autrement dit le combat, pour pouvoir m'occuper de ma famille, ma mère qui était hystérique, qui était suivie par un psychologue. Tout ça. Puis finalement, j'ai payé le prix parce que ma tête était pas là, autant l'entraînement que pendant le combat. Et il y a peut-être... J'ai deux ou trois occasions comme ça que je crois que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment dû écouter m'écouter ou juste prendre la meilleure décision. Puis pourtant, j'ai écouté mon ego. Ah non, je vais le faire capable. Puis un peu comme un ado, je suis capable de tout, je suis invincible. Puis avec le recul, tu te dis, c'était vraiment stupide. Et aujourd'hui, en ayant vécu tout ça, j'imagine que ça a quand même apporté un certain calme, un esprit plus, Sagesse. ouais, c'est ça, une sagesse vis-à-vis en tant qu'entraîneur et tout ça. Je veux dire, ça amène souvent un côté sociable, vivre des émotions de même. Ouais, j'entraîne un jeune pour qui il est vraiment doué, il est vraiment bon, c'est un gars qui a une tête sur les épaules, puis il aimerait gagner sa vie en combattant et il aimerait devenir boxeur professionnel. Puis ça, je lui ai dit, il faut absolument qu'il soit mentalement à 100%. C'est sûr que physiquement, il soit à 100% prêt, mais mentalement, c'est quelque chose qui te préoccupe. Puis tu mets ça de côté pour continuer à faire ton combat. Tu peux payer pour puis avoir des cauchemars plus tard dans ta vie. C'était comme une crotte sur une épaule que tu peux pas te débarrasser. Il y a eu des combats que mon premier combat contre Alex Hilton, il a gagné. Pourtant, moi, j'ai toujours su que j'étais meilleur que lui. Même la preuve au deuxième combat, je l'ai envoyé à terre, je l'ai gagné par KO. Mais j'ai été chanceux qu'il me donne une revanche. Aujourd'hui, je me sers de ça pour si je suis entraîneur pour quelqu'un, oui, de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Et puis, de l'autre côté, je suis fier de moi parce que j'ai jamais reculé devant personne. Mon ego est content. Je n'ai jamais eu facile, mais de l'autre côté, des fois, ce n'était pas la meilleure décision à prendre. Autrement dit, ce n'était pas la plus intelligente décision. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts dans le milieu de la boxe ici au Québec. Là, ça va très bien. On a d'excellents combattants. Est-ce que les boxeurs sont bien traités par les promoteurs en général, ou parfois, on vous utilise un peu comme de la viande? Moi, je dois dire que ça s'est amélioré énormément avec le passé. Puis là, le passé, je parle pas de si loin que ça. Là, le passé, avant moi, peut-être que c'était pire encore. Mais moi, j'ai eu une carrière de 22 ans et 2 mois exactement avec le kickboxing et la boxe. Et puis, j'ai vu des gros changements, des grosses différences, des choses qui aident tellement. Au début, jamais, jamais un boxeur n'avait le droit de toucher à des poids parce que ça allait nous ralentir. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a un programme de musculation. Même, c'est drôle de parler de lui aujourd'hui, mais même Tiger Woods, un golfeur a un programme de musculation. Tout le monde a un programme de musculation. Des nutritionnistes, des diététiciens, tout ça, qui s'occupent de toi. Donc, c'est tellement plus complet. Les promoteurs sont plus professionnels. On peut voir maintenant les promoteurs qui sont à Montréal. C'est plus, les shows sont plus réguliers, tout ça. Moi, dans le temps, disons, j'ai travaillé avec des gars qui s'occupaient beaucoup, qui je veux pas nommer personne, hein, mais la seule chose qui les intéressait, c'est de faire de la boxe locale, la boxe locale, la boxe locale. Mais là, toi, tu tournes en rond dans ta cour et tu peux pas évoluer puis t'en aller vers ton rêve qui est de devenir champion du monde. Oui, Est-ce que vous avez déjà eu la chance, je pense à 99, vous étiez supposé avoir la chance d'avoir un combat, si je me trompe pas, de championnat du monde. En fin de compte, je me souviens plus pourquoi, mais ce combat-là n'avait pas eu lieu. En fin de compte, je pense que c'était un combat qui était supposé se dérouler en Allemagne, si je me trompe pas. Est-ce que vous avez Oui, eu des occasions pour combattre pour un titre important? j'ai eu des titres importants. Je sais tu le championnat international WBC, continental d'Amérique, des titres que j'ai détenus, le championnat du Commonwealth. J'ai mérité un combat de championnat du monde en Allemagne en 1999. Et puis à mon dernier médical, ils ont vu l'état de mon œil. Il y a eu la première opération. Donc en 2004, j'ai eu la septième opération. Donc de 1999 à 2004, il y a eu 7 opérations à l'œil, dont 3 anesthésiées, où ils m'ont joué dans la tête, dans l'œil, puis après ça, il y a eu 4 au laser. Mais j'ai pas jamais pu me battre pour un combat de championnat du monde. J'en ai affronté 7 dans ma carrière. Il y en a 4 que j'ai battu. Le gars qui était me remplacer en Allemagne, c'est un gars que j'ai passé le KO 8 mois avant. Puis lui, il est devenu champion du monde en me remplaçant. Il était là-bas. Donc, c'est sûr, je vais toujours avoir comme je disais tantôt, une crotte sur le cœur. Je pourrais jamais dire à personne que j'ai été champion du monde, mais je suis fier quand même de moi à l'intérieur. Et je me dis, j'étais pas lui sans doute. Dans ces années-là, avoir toutes ces blessures-là, j'imagine que ça n'a pas dû être facile mentalement passer à travers ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as accepté, qu'à un moment donné, des blessures, ça arrive, puis ça peut mettre fin à une carrière? Oui, j'ai toujours été assez logique. J'ai aussi une carrière vraiment à risque. J'étais un gars, j'ai toujours essayé d'être intelligent. Je ne veux pas me traiter intelligent, je vais laisser les autres juger. J'ai toujours voulu avoir une assurance vie, une assurance responsabilité, mais pouvoir m'occuper de ma famille, non pas ma famille pour avoir s'occuper de moi. Donc j'ai toujours fait attention, même à ma défensive, pour savoir le recevoir le moins de beating, de voler pour pas avoir de séquence, de séquelles plus tard. Sauf que j'ai toujours su que c'était un sport dangereux, j'ai toujours aimé ça, j'ai fait des arts martiaux depuis l'âge de 7 ans. Quand j'étais jeune, très très jeune, je suis né en 64, donc dans ces années-là, des années 66, c'était Evel Knievel qui était populaire, c'était mon idole, puis je faisais toutes sortes des choses que les autres avaient peur de faire, je voulais les faire. Ça a toujours été dans moi, donc les blessures ou de souffrir, ça m'a jamais, jamais, jamais dérangé. Au contraire, je pense que c'était ça qui me motivait à relever le défi, je pense. Alain Bonnamy, vous êtes l'un des seuls, je pense que vous êtes deux seulement, à avoir vaincu Davy Hilton. Ça, c'est un de vos hauts faits d'armes, je pense. Si on peut regarder ça sur l'affiche, là, c'est assez exceptionnel. Quand même, Davy Hilton, évidemment, là, on peut ne pas l'aimer, puis plusieurs ne l'aiment pas, puis il y a de très bonnes raisons, mais quand même, il faut pas lui enlever que c'était un excellent boxeur, un frappeur redoutable. Vous l'avez battu. Est-ce que ça, c'est votre plus beau souvenir? Oui, mais oui, c'est le plus gros souvenir, c'est l'un des plus gros faits d'armes, oui. Et surtout, aujourd'hui, tu mentionnes ça, beaucoup de gens disent, oh, oui, c'est vrai, c'était un bon boxeur. Mais faut se mettre dans la situation. À l'époque, c'était le meilleur boxeur au Canada. Il était classé mondialement. Puis moi, les gens ne gageaient pas sur qui allait gagner, ils gageaient à quel round j'allais tomber. Puis j'exagère même pas quand je dis ça, là, c'est vrai. Donc, d'avoir réussi à tenir tête c'est comme vraiment, c'était vraiment David et Goliath. C'était un des plus gros faits d'armes. Pour souvent c'était surtout à cette époque-là que c'est avec la boxe, la façon que les promoteurs étaient, c'était un petit peu broche à foin. Donc, de faire le front page du Journal de Montréal, c'était un petit peu difficile. Donc, c'est un de mes très beaux faits d'armes, puis un de mes plus beaux souvenirs, c'est mon combat en Louisiane contre Raoul Marquez. Raoul Marquez, qui était un médaillé d'or aux Olympiques des États-Unis, devenu champion du monde. Et puis les gens là-bas, leur réaction du public, des gens inconnus pour moi qui sont venus me voir après le combat, qui m'ont dit, partout, si Alain Bonnamy va se battre dans le monde, moi je suis riche, puis je vais prendre l'avion, je vais aller le voir Alain Bonnamy parce qu'il a démontré son cœur, puis son courage. Puis ça, c'est mes plus beaux souvenirs, je pense. Rapidement, là, avant de terminer, c'est quand même très rare de voir un kickboxeur comme tel que vous, également avoir beaucoup de succès en boxe. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui peuvent se vanter de ça. Est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait une structure, une meilleure structure dans le monde du kickboxing? Est-ce que vous auriez aimé pouvoir gagner votre vie en faisant du kickboxing également? Parce que je pense que le kickboxing, c'est malheureusement pas aussi payant puis aussi intéressant puis peut-être aussi valorisant que la boxe à l'heure actuelle. C'est ça, le marché, exemple, là, présentement, une guerre du sport le plus populaire, c'est la boxe ou c'est les combats ultimes. Dans ce temps-là, il y avait le kickboxing qui voulait faire concurrence à la boxe, mais ça n'a jamais passé proche au niveau de. Ça n'a jamais passé proche. Puis, au niveau des finances, c'était 3 fois, 4 fois moins payant que la boxe. Et en plus, la renommée. Donc, champion. C'était rendu que dans la même catégorie de poids, il y avait 7 ou 8 champions du monde au kickboxing. Tandis qu'à cette époque, il y en avait vraiment juste 2 à la boxe. Maintenant, il y en a 3, des fois 4, mais pas plus que ça quand même. Ouais, on comprend quand même. La boxe, c'était beaucoup plus attrayant, évidemment. Bon, vous avez fait du karaté, vous avez fait du kickboxing, vous avez fait de la boxe. Si Alain Bonnamy avait sa chance d'avoir 17 ans là, à l'heure actuelle, est-ce que le MMA, ça vous intéresserait? C'est ma dernière Oh question. oui. Je sais Oh que. oui, c'est sûr, oui. C'est sûr. On m'a approché, mais j'étais à la fin de ma carrière. Puis aussi le MMA était au début, donc il y avait beaucoup de. Il manquait un petit peu de professionnalisme à l'organisation des combats ultimes à ses débuts. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve ça c'est bien. Je vois les gars, ils ont beaucoup de respect envers l'autre. C'est ça qui me manquait. Je trouvais que c'est des gars qui voulaient vraiment juste blesser l'autre, l'envoyer à l'hôpital. Il y avait beaucoup de. Oui, le effectivement. sport s'est fait La nettoyer. réputation. Ouais. Et la réputation des athlètes du sport était pas bonne. Et puis moi, j'ai toujours voulu faire attention à ça. Et puis là, maintenant, ça a vraiment changé, ça a vraiment évolué. Aujourd'hui, je me dis, Colin, même que Interbox soit arrivé dans le sport dans ma carrière, c'était un bonus pour tous les fighters du Québec. Le sport MMA, c'est un autre bonus pour les sports de combat. C'est juste dommage ce qui est arrivé sur le tard dans ma carrière parce que ce soit des bons promoteurs, comme j'ai mentionné Interbox, ou bien des sports vraiment plus. Je sais que ça aurait été. C'est sûr et certain que j'aurais été encore plus loin, puis j'aurais été plus satisfait aussi. Eh bien, Monsieur Bonamy, on vous remercie du temps que vous nous avez accordé. On sait que vous avez des occupations, là, il y a des enfants, puis non, mais franchement, c'était un dimanche matin, vous avez passé un peu de temps avec nous, c'est très gentil de votre part. Puis on aura peut-être l'occasion, si vous le voulez bien, de se reparler. Vous avez un club là, à Montréal, vous enseignez la boxe de karaté, puis tout ça. Puis peut-être vous parler de s'il y a de jeunes combattants dans votre écurie qui sont prêts à faire le pas professionnel éventuellement. Ce serait intéressant de discuter de ça. Ben, on pourra en discuter bientôt. Puis si je voulais voir pour mon studio Montréal, tout ça, c'est studiobreed.com, www.studiobreed.com, breed comme respirer. Ah, ben parfait. On va mettre le lien sur mmanouvelle.com, évidemment, pour les gens qui sont intéressés à pouvoir s'entraîner avec quelqu'un. C'est son inspecteur, c'est son ambassadeur, donc ça peut peut-être les. S'ils sont intéressés, bien sûr. Ben, allez, mon ami, merci à vous, puis passez un beau Merci, les dimanche en gars. famille. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.